Jean-Guy Pétri, de bonne baguette et de... avec de la farine et de la levure. Elles sont jolies, ces bonnes baguettes et de... Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle est au seigle et au froment. Quant à celle-ci, pour réussir, ira Jean-Guille la pétrit deux fois plus longtemps. Jean-Guille pétrit de bonnes galettes et de... avec de la levure et de la farine. Elles sont jolies, ces bonnes baguettes et de... Je vais vous le présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce à Jean-Guille qui nous fait rire. Mais avec ses bras trop courts d'armée, être son pain, il ne peut tartiner. Moi, je lui tartine ses bonnes baguettes et te... avec du beurre salé et de la gelée. Jean-Guille content de sa tartine, il vous dira que je suis son ami, que je suis son ami, que je suis son ami. À Jean-Guille, que je suis son ami.